السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée, إن شاء الله تعالى، du samedi 17 ربيع الثاني 1430 correspond au 11 avril 2009, bi'idna azza wa jal. Nous sommes alors avec je vois le 36e cours du deuxième tome de l'Aqida al-Wasitiya, incha'Allah ta'ala. Tayyib, rappelez-moi quand je commence les questions-réponses, rappelez-moi de parler en ce qui concerne les horaires, parce que j'ai changé les horaires. Alors c'est très important, rappelez-moi incha'Allah ta'ala quand je commence la première question de parler des horaires, comme ça, il y aura assez de monde qui entendront, inshallah ta'ala, en ce qui concerne les horaires. Nous avons parlé la fois passée des individus désignés comme bienheureux au paradis. On avait parlé que, on avait dit que parmi ceux-là, il y avait les dix qui, ou là, auxquels le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leur a annoncé qu'ils étaient au paradis. Il a dit Omar, il a dit Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Uthman au paradis, Ali au paradis, Talha au paradis, Zubair au paradis, Abdurrahman ibn Auf au paradis, Saad ibn Abi Waqqas au paradis, Saad ibn Zayd au paradis, Abu Ubaid ibn al-Jarrah au paradis. Et on avait dit aussi qu'il y avait d'autres gens qui, Inch'Allah ta'ala, seront au paradis, entre autres Rumaysa, c'est-à-dire Umm Sulaym, entre autres Bilal, et la femme qui a donné à boire, la fornicatrice qui a donné à boire aux chiens. Et on avait cité que, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen Allahyarhamou, on pouvait aussi attester que, par exemple, les quatre grands imams, l'imam Abu Hanifa, et Malik, et Shafi'i, et Ahmed ibn Hanbal, Allah Ta'ala les agrée, qui sont tous, ceux-là aussi, seront au paradis, d'après le hadith authentique qui dit: vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et nous, on est témoins que ces quatre grands savants, unanimement, ils sont reconnus de par leur science, leur sincérité, leur piété, et que, Inch'Allah ta'ala, ils seront au paradis. À part, reste la différence que, lorsque le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, témoigne que quelqu'un cite quelqu'un avec son nom et dit qu'il sera au paradis, il y a une grande différence entre cette attestation du messager d'Allah alayhi salam, et notre attestation. Il y a une grande différence, bien sûr, entre les deux. Mais, Inch'Allah ta'ala, nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Il y a aussi un hadith authentique qui dit que la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajara, ne rentrera pas en enfer quiconque aura fait l'allégeance sous l'arbre. Et ils étaient combien? Ils étaient 1400. Donc il y a 1400 autres qui ne vont pas rentrer en enfer. Et s'ils ne vont pas rentrer en enfer, cela veut dire, Inch'Allah ta'ala, qu'ils vont rentrer au paradis, bi'idna azza wa jal. Quant aux gens désignés comme damnés de l'enfer, on va citer ceux qui ont été cités par le Coran, et ensuite ceux qui sont cités par la sunna, Inch'Allah ta'ala, qu'ils iront en enfer. Quant à ceux qui sont cités dans le Coran, c'est comme Pharaon et sa clique. lorsque Allah Ta'ala a dit, wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab. Et le jour de la résurrection, faites entrer Pharaon et son entourage, disons, ceux qui le suivaient, ashad al-'adab, le plus douloureux des châtiments. C'est un verset coranique. Et aussi qui Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa femme Ummu Jamil, Arwa, Ummu Jamil, Arwa bint Harb, sœur d'Abu Sufyan, la sœur d'Abu Sufyan, naam. Leur damnation est mentionnée dans ce verset où Allah Ta'ala a dit Tabbat yada Abi Lahab, que les deux mains d'Abu Lahab périssent, wa tab, et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ses richesses et tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a acquis, ne lui serviront à rien. Naam. Sayisla naran dhat lahab. Il sera exposé au feu ardent. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Ainsi que sa femme porteuse de bois. Elle aussi, c'est-à-dire, elle sera exposée au feu ardent. Fi jidha hablun min masad. Dans le cou de sa femme, est attaché par une corde de fibres. Et quant à ceux qui sont désignés en tant que des gens de l'enfer, des gens de l'enfer, par la sunna, ce sont ceux qui suivent. Et je disais, quant à ceux qui sont damnés par la sunna, on a par exemple Abu Talib, Abdou Manaf ibn Abdul Muttalib, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a dit à son sujet, qu'est-ce qu'il a dit? Le moins supplicié parmi les réprouvés de l'enfer est Abu Talib, c'est-à-dire son oncle. Il sera chaussé d'une paire de chaussures de feu qui fera bouillir sa cervelle. C'est-à-dire, il sera chaussé d'une paire de chaussures qui fera bouillir sa cervelle. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, on a un nom. On a un nom qui a été cité par le hadith authentique. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors je disais, un autre damné qui sera en enfer, qui a été désigné par la sunna, c'est par exemple qui? C'est Amr ibn Amir ibn Luhay. Amr ibn Amir ibn Luhay. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, je l'ai vu traîner ses entrailles en enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'ai vu traîner ses entrailles en enfer. Il y a aussi une autre personne qui sera en enfer. C'est qui? C'est celui qui a tué, barakallahu fikoum, c'est celui qui a tué Ammar ibn Yasir. Vous connaissez Ammar ibn Yasir? Bien sûr. Sa mère, c'est la première martyre en islam, Soumeya. Celui qui l'a tué sera en enfer. D'après qui? D'après le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, l'Armou, numéro 4294, où le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit Qatilu Ammar. Qatilu Ammar. Il a dit Finnar. Atilu Ammar, il a dit qu'il était en enfer. Hadith numéro 4294. C'est-à-dire, celui qui a tué Ammar sera en enfer. Naam. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami' sous le numéro 4294 avec un petit ajout. C'est-à-dire, il a dit que celui qui l'a tué et aussi ce qu'il a pris. Il a dit, celui-là aussi, ces choses-là aussi, en enfer. Taïb. Maintenant, on passe à quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle comme titre l'anathématisation des gens de la Qibla pécheurs. Hein? En ce qui concerne le statut des gens de la Qibla qui font les péchés, qui font les grands péchés. Les gens de la Qibla, ce sont qui? Ce sont les musulmans qui s'orientent vers la Qibla, à savoir vers la direction de la Mecque lors de leur prière. Ces gens-là ne deviennent pas kuffar, ne deviennent pas impies à cause des péchés graves qu'ils commettraient, ni ne doivent être excommuniés pour autant, ni ne seront condamnés aux peines éternelles de l'enfer. Donc je répète, les gens de la Qibla qui s'orientent vers nous, qui s'orientent comme nous, en direction de la Qibla pour faire leur prière, ces gens-là, tant qu'ils n'auront pas commis le grand shirk et ne meurent pas avec le grand shirk, ceux-là, même s'ils commettent de graves péchés, ils ne sortiraient pas de l'islam, ni ne seront éternellement en enfer, même si un jour ils y rentreront. Voyez, en vertu de quoi? En vertu du verset que je vais lire, inshallah ta'ala. Vous allez entendre avec moi le verset. Je vais le lire d'abord en français, ensuite je vais le lire, inshallah ta'ala, en arabe. Naam. Voyez, ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, ou bien je le lis en arabe, ensuite en français. Il a dit: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Et si deux groupes de croyants se combattent, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit: faites la conciliation entre eux. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Et si l'un des deux groupes se rebelle contre l'autre, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Alors combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Il a dit, hein, si ce groupe s'y conforme à l'ordre d'Allah Ta'ala, alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah Ta'ala aime les équitables. Ensuite il a dit: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Les croyants ne sont que des frères. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Établissez la concorde entre vos frères. Donc vous remarquez que Allah Azza wa Jal a établi dans ce verset que la fraternité de la foi demeure malgré que les deux groupes se sont entretués. Vous avez écouté avec moi, Allah Ta'ala a cité deux groupes de musulmans qui se sont entretués. Il a dit: essayez de concilier entre eux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que إنما المؤمنون إخوة. Il a dit, les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire que malgré, ils ont fait le grand péché, le fait de s'entretuer et de tuer des croyants, et malgré cela, il a dit qu'ils sont des frères. Naam. Donc c'est quoi? C'est un grand indice qu'ils ne sont pas des kuffar. Naam. Pourquoi? Car s'entretuer entre musulmans est l'un des graves péchés. Or, si ce péché grave engendrait la qualification de kuffar et d'impiété, la fraternité de la foi aurait été annulée. Non. S'ils étaient devenus des kuffar, il n'y aurait plus de fraternité entre eux. Il n'y a pas de fraternité entre un musulman et un kafir. Mais puisque Allah Ta'ala a établi le lien de fraternité, cela veut dire qu'ils sont toujours musulmans. Naam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit: Allah azza wa jal dira, le jour de la résurrection, sortez de l'enfer quiconque posséderait la mesure d'un grain de moutarde de foi en son cœur. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Sortez de l'enfer quiconque posséderait la mesure d'un grain de moutarde de foi en son cœur. Ça veut dire que celui qui ne possède qu'un grain de moutarde, ça veut dire que sûrement qu'il a fait des grands péchés. Il a tué, il a fait la fornication, il a volé, il a fait ceci, cela. Mais malgré cela, Allah Ta'ala va ordonner qu'on le fasse sortir de l'enfer. Et tout le monde sait qu'un kafir ne sort jamais de l'enfer. Un kafir ne sort jamais de l'enfer. Bien sûr, ça c'est Aqida de qui? C'est le dogme de Al-Sunna, des gens de la Sunna ou le Jama'a et du consensus. Quant aux sectes égarées, bien sûr, elles ne disent pas comme on dit nous. Et parmi les sectes égarées, en ce point-là, c'est-à-dire dans le fait que celui qui fait le grand péché reste musulman, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous en ce point, ce sont deux groupes. Les Khawarij ou bien les Kharijites. Et le deuxième groupe, les Mu'tazilites. Quant aux Kharijites, ils soutiennent que l'auteur d'un péché grave, Kabira, celui qui fait un péché capital, devient impie, devient kafir, et sera damné éternellement en enfer. Naam. Comme ça disent les Khawarij. Les Khawarij disent beaucoup de choses. Mais entre autres, ils disent quiconque des musulmans fait un grave péché, fait un péché capital, s'il meurt sans faire le repentir, naam, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est un kafir et il va rentrer en enfer pour ne plus en ressortir. Non. Et bien sûr, ils peuvent vous donner des délits. C'est pour ça que je dis que toujours nous, on devrait faire beaucoup d'efforts pour apprendre la science. Sinon, par exemple, tu vas faire la connaissance de quelqu'un qui est Khariji, par exemple, et il va donner des délits, il va dire ce sont des kuffars, le verset a dit, le hadith a dit, et toi, si tu n'as pas de science, si tu ne vas pas le suivre, du moins, tu vas être ébranlé dans ta aqida. Tu vas dire, Subhanallah, il a raison celui-là, je n'arrive plus à comprendre. Maintenant, je suis chagriné, je ne comprends plus rien, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais plus qui je dois suivre, tout le monde a raison, etc. Hein? Et le shaitan va profiter pour te faire des ouswas, pour te faire des ouswas. Par exemple, le khariji, il peut te citer un hadith, il peut te citer un verset. Il va te dire, celui qui fait le péché, le grand péché, est quelqu'un de kafir et sera en enfer éternellement. Si tu ne me crois pas, sache que Allah Ta'ala dit dans le verset, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. On va te dire, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans ce verset que quiconque tue incroyant, yani expressément, premièrement, il sera en enfer et il a dit Ta'ala, Khalidan fiha, éternellement. Wa ghadiba Allah alayhi, Allah Ta'ala est en colère contre lui, wa addalo adhaban azima, et il lui a préparé un châtiment douloureux. Attendez, j'essaye de voir c'est quel numéro du verset. Attendez, Khalidan fiha, je vais écrire Khalidan fiha. C'est le verset Sourate An-Nisa, verset 93. Naam. Sourate An-Nisa, verset 93. Je répète, donc il va te dire, le verset est très clair. Allah Ta'ala a dit qu'il sera en enfer éternellement et que Allah Ta'ala est en colère contre lui. Et il lui a préparé un châtiment, yani douloureux. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas de science. Tu vas dire c'est vrai. Allah Ta'ala dit ainsi. Mais les savants de Al-Sunnah al-Jama'a sont unanimes pour dire que ce verset, il ne faut pas le prendre comme ça en apparence. Les Arabes ont dans leur habitude de dire, d'employer le mot éternellement quand ils parlent d'une chose qui va durer longtemps. Et le Coran est descendu sur qui? Sur les Arabes. Pas sur les Allemands ni les Français. Il est descendu sur les Arabes. Et les Arabes, dans leurs habitudes, quand ils parlent, ils emploient beaucoup le mot éternellement pour dire que ça a beaucoup duré. Ils vont dire à quelqu'un, Subhanallah, ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Alors qu'ils veulent dire, ça fait seulement yani, 2 ou 3 ans. C'est un exemple. Naam. Et d'autres savants ont dit que, on dit, Naam, ceci serait son châtiment si Allah Ta'ala veut le châtier. Mais Allah Ta'ala ne le châtiera pas ainsi. Ceci, c'est son châtiment si Allah Ta'ala va le châtier le jour de la résurrection. Mais il ne va pas le châtier ainsi. Certains aussi ont dit comme ça. Et ils ont dit aussi, il ne faut pas se baser seulement sur le hadith, sans se baser sur le hadith. Comment se fait-il que quelqu'un hein, a tué 100 personnes et Allah Ta'ala lui a pardonné? Tout le monde connaît ce hadith authentique qui se trouve dans le Bukhari et dans les autres. Ou quelqu'un a tué 99 personnes, ensuite il a demandé à quelqu'un est-ce que Allah Ta'ala va lui pardonner ou pas. Il lui a dit non, Allah Ta'ala ne pardonne pas. Et il a terminé avec lui, il l'a tué aussi. Donc il a tué qui? 100 personnes. Ensuite il est allé demander à un savant. Il lui a dit, quelqu'un a tué 100 personnes, est-ce que Allah Ta'ala peut lui pardonner? Il lui a dit, qui peut se mettre entre Allah et sa créature? Naam, il lui a dit, change de ville, change de pays, va dans tel et tel pays et adore là-bas Allah. Et cette personne est partie pour aller vers ce pays et elle est morte en cours de chemin. Et Allah Ta'ala a envoyé les anges, vous connaissez le hadith, les anges de l'enfer et les anges du paradis, et se sont disputés sur lui. Et Allah Ta'ala a voulu que l'ange du paradis qui le prenne, car il l'a fait rapprocher beaucoup plus du côté du paradis que de l'enfer, comme vous connaissez le hadith. El Mohim, qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué 100 personnes. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Qu'en est-il celui qui tue une seule personne? Et si quelqu'un va dire oui, mais celui qui a tué 100 personnes, ce n'est pas ça ne rentre pas dans notre législation, pas dans notre sharia. C'est la sharia des autres, ceux qui étaient avant nous. Naam, ça ne s'est pas passé au temps du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est passé avant, au temps de Bani Israël. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qu'il y a dans notre sharia, on va dire ceci n'est pas vrai. Car la règle, c'est que tout ce qu'il y a eu dans les autres législations, naam, s'il n'est pas contredit par notre législation, il est accepté en général. C'est-à-dire, premièrement, naam, car où est le délit? Le délit, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois, en parlant de celui qui ne se réveille pas à l'heure pour faire la salat, il s'est basé sur le verset qui dit, « Wa aqim salat li dhikri ». Il a dit, quiconque oublie une salat ou bien dort sur sa salat, qu'il la fasse dès qu'il se réveille. Et c'est basé sur un verset où il est dit, « Wa aqim salat li dhikri » et fais la prière quand tu te rappelles. Et pourtant ce verset, « Wa aqim salat li dhikri », c'est un verset qui yani, parle de Moussa alayhi salam. Il ne parle pas de Mohammed alayhi salam. Donc il parle de la législation qui était avant nous. Vous voyez comment le messager d'Allah s'est basé sur un verset qui parle de la législation qui était avant nous. Allez, premièrement, j'ai dit deuxièmement, naam, on parlait de qui? Et naam, deuxièmement, tout le monde sait que cette communauté, la communauté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup plus de faveur chez Allah Ta'ala, naam, beaucoup plus de mérite et de faveur que les autres communautés. Car Allah Ta'ala, en parlant de cette communauté, a dit que وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانْتَ عَلَيْهِمْ. Allah Ta'ala a dit que le messager d'Allah qui a été envoyé, qu'est-ce qu'il fait entre autres? Il nous ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux, c'est-à-dire sur ceux qui étaient avant nous. Alors si ceux qui étaient avant nous, quand cette personne a tué 100 personnes, Allah Ta'ala lui a pardonné. Alors qu'en est-il si le tueur yani, appartient à la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Et je disais, les khawarij peuvent te dire aussi, naam, si tu ne connais pas bien ton din, ils peuvent te dire, il y a un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La izni zani hina izni wa huwa mu'min » Celui qui fait la fornication, quand il est en train de la faire, il n'est pas croyant. Et ils disent donc, voilà une preuve que celui qui fait la fornication, il n'est pas croyant. Et s'il n'est pas croyant, qu'est-ce qu'il est? Il est kafir, il est impie. Donc voilà une preuve que celui qui fait un grand péché est impie. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la preuve qu'il n'est pas impie, c'est quoi? la preuve que la personne qui fait la fornication n'est pas impie, si toutefois elle reconnaît qu'elle fait un grave péché. Bien sûr, si elle dit que c'est permis de faire la fornication, celui-là est devenu impie. Sauf bien sûr si c'est un reconverti qui vient, ça fait une semaine de rentrer en islam, qui connaît rien, celui-là est excusé. Mais s'il sait que il y a un hadith qui interdit et un verset qui interdit la fornication, et il dit moi je ne reconnais pas, celui-là est devenu impie. Et nous on parle de celui qui reconnaît que la fornication est un péché, mais il l'a fait. Celui-là on dit quoi? On dit il n'est pas impie. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré dans un hadith authentique que celui qui devient impie après qu'il était musulman, on doit le tuer. Il a dit, من بدل دينه فاقتلوه. Quiconque change son dîn, après qu'il s'avère qu'il était musulman, il devient chrétien, on devient juif, ou là, celui-là, il doit être tué. Alors que celui qui fait la zina, s'il n'est pas marié, par exemple, on ne le tue pas. S'il n'est pas marié, qu'est-ce qu'on lui fait? On le frappe avec le fouet. Ça, on le frappe avec le fouet. Or, s'il était devenu impie, il fallait le tuer. Et si quelqu'un dit, oui, mais s'il était marié, on va le tuer. Je dis ça, mais on va le tuer en quoi? En le lapidant avec des cailloux. Alors que celui qui change de religion, on le tue avec une épée, on lui coupe sa tête. Vous voyez la différence? Ensuite, une autre différence. Celui qui a fait la zina, s'il était marié, on va le lapider sans lui demander de faire le repentir. Alors que celui qui a changé sa religion, avant de le tuer, on lui demande de faire le repentir pendant 3 jours. Le premier jour, on lui dit, fais le repentir, et on l'attend. S'il ne l'a pas fait, on vient chez lui le deuxième jour. On lui a dit, fais le repentir, on va tuer. Et on attend. Le troisième jour, on vient chez lui, on va lui dire, fais le repentir, tu le fais ou tu ne le fais pas. S'il ne le fait pas le troisième jour, on le tue avec l'épée, un coup d'épée. Donc, c'est une grande différence entre celui qui meurt impie et celui qui a fait la zina et qui meurt musulman après avoir été lapidé. Alhamdoulilah. Donc les Khawarij n'ont pas de dalil. Tous leurs dalils, ils les propagent aux gens qui n'ont pas de science. Mais les gens qui ont de science, Sunna ou Jama'a, ont réfuté tous leurs dalils. Tous leurs dalils, tous les versets, tous les hadiths, ils les ont réfutés. Taïb, d'où ce sont qui? Ce sont les Kharijites. Quant aux Mu'tazila, les Mu'tazilites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le musulman, s'il fait un grand péché, n'est plus tout à fait croyant. C'est-à-dire, il n'est selon eux ni croyant ni infidèle. Mais son statut, c'est quoi? C'est une situation intermédiaire entre les deux. Il n'est pas croyant, il n'est pas impie. Il est fi menzila bayna al-manzilatayn. Il est dans un rang intermédiaire entre les deux. Mais, nam, il joigne, il se regroupe avec les kharijites en disant que il va séjourner éternellement en enfer. Donc, pour résumer, les kharijites et les mu'tazilites ont un point commun en ce qui concerne celui qui fait le grave péché, le grand péché. C'est quoi le point commun? Les deux disent, s'il meurt, sans faire le repentir, il sera éternellement en enfer. Mais, ça c'est le point commun. Mais ils divergent en quoi? Ils divergent dans le fait que les kharijites disent c'est un kafir et les mu'tazilites disent il n'est ni kafir ni croyant. Il est dans un statut au milieu. Et ils donnent l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, bon, je demande à l'admin, je demande aux admins, citez-moi une ville qui se trouverait, par exemple, entre Paris et Marseille. Citez-moi une ville qui se trouve entre Paris et Marseille. J'attends, inchallah ta'ala. Lyon, Tayyip. Si quelqu'un sort de Paris, Lyon, Tayyip. Si quelqu'un sortait de Paris pour aller à Marseille, quand il va arriver à Lyon, non, quand il va arriver à Lyon, on ne peut pas dire que cette personne est à Paris. Ni on peut dire que cette personne est à Marseille. La preuve, elle n'est pas à Marseille parce qu'elle n'est pas arrivée, elle est à Lyon. Et la preuve qu'elle n'est pas à Paris parce qu'elle n'est pas à Paris, elle est à Lyon. Ils disent la même chose pour le croyant. s'il fait un grand péché, il n'est pas croyant parce qu'il a fait le grand péché, et il n'est pas kafir parce que, comme on dit dans cet exemple, il n'est pas arrivé à Marseille. Donc il reste toujours au milieu. Comme ça disent qui des Mu'tazilites. Et vous savez que Ahl Sunna ou Jama'a disent de quoi, de qu'est-ce qu'ils disent de quelqu'un qui fait le grand péché? Ils disent même s'il meurt sans faire le repentir, il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut pas, il va le faire rentrer en enfer. Mais Inch'Allah, il faut qu'un jour, bi'idnillah ta'ala, il sorte de l'enfer. C'est-à-dire, s'il le fait rentrer, mais il est possible que Allah ta'ala lui pardonne, à condition que, comme j'ai dit, le grand péché qu'il a fait ne soit pas le shirk. Ne soit pas, quoi, le grand shirk. Ne soit pas le shirk ou bien le grand shirk. Quant à dans cette dunya, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit, c'est un croyant. On dit, il est croyant avec sa foi qu'il a. Et il est pervers avec le grand péché qu'il vient de faire. Naam. Mu'min, naam, à cause de la foi qu'il a, et pervers à cause de quoi? À cause du grand péché qu'il a fait. Mais on ne dit pas kafir. Al-Muhim. Quel est le devoir envers les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum? Le devoir envers les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. La communauté musulmane est grandement redevable aux compagnons en raison de leur dévouement au service d'Allah Azza wa Jal et de son messager et de leur lutte pour la cause d'Allah Azza wa Jal au moyen de leurs biens et même en sacrifiant leur personne. Ils ont également préservé la religion d'Allah Azza wa Jal par la préservation de son livre ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par leur étude, leur mise en pratique et leur enseignement, de sorte qu'ils l'ont transmis à la nation dans toute leur pureté et fraîcheur originale. Allah Ta'ala a dit des sahaba, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit Muhammadun Rasulullah. Muhammadun est le messager d'Allah. Wallazina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, ashidda'u 'ala al-kuffar, sont durs envers les mécréants. Ruhama'u bainahum, miséricordieux entre eux. Et maintenant, yani par malheur, cette chose, c'est beaucoup, yani, c'est renversé chez beaucoup de gens. On trouve beaucoup de musulmans qui sont quoi? Qui sont durs avec leurs frères et miséricordieux avec les kuffars. Quand il est avec son frère, il est dur avec lui. Une petite faute, il ne lui parle plus pendant une année. Pour une petite faute. Parce que l'autre a dit que on doit faire le siwak avec la main droite. Et l'autre a dit non, on le fait avec la main gauche. Et chacun des deux a donné son délil. Et l'autre, il ne va plus lui parler pendant un an ou deux ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été d'accord sur une chose. Subhanallah al-Azim. Et s'il rencontre le kafir, il lui fait la révérence. Il lui dit, ça, masha'Allah, tu m'as manqué. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as beaucoup manqué. Naam. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala dit, tara'hum. En parlant toujours des compagnons, tara'hum, ruka'an sujadan. Tu les vois inclinés, prosternés. Regardez les sahaba, comment tu les vois. Tu ne les vois pas à passer leur journée dans les cafés, ni en face de la télé toute la journée. Non, tu les vois inclinés, prosternés. Et remarquez, en arabe, il a dit Tarahum ruka'an sujadan, pour ceux qui comprennent bien l'arabe. Il n'a pas dit Tarahum, tu les vois raki'in. Non, il a dit ruka'an, c'est-à-dire, ils exagèrent. Allah Ta'ala a dit, tu les vois, ils exagèrent quand ils s'inclinent. Ils exagèrent quand ils se prosternent. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous. Quand on s'incline, on ne termine même pas trois fois Subhan Rabbil A'la. On dit vite, stop, et on se lève. Non, il a dit, tu les vois inclinés. Tu les vois, c'est-à-dire, tu as le temps de les voir. Mais nous, quand on s'incline, les gens n'ont pas le temps de nous voir tellement c'est vite, tellement ça va vite. Naam, tarahum ruk'an sujadan. Pourquoi? Pourquoi il s'incline beaucoup? Pourquoi il se prosterne beaucoup? Ensuite, autre chose. Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas simplifié le verset et il a dit, il aurait pu dire, tu les vois prier. Non, pourquoi il ne dit pas tu les vois prier? Pourquoi il dit tu les vois inclinés, tu les vois prosternés? Pour te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, yani, tu vois yani, la séparation. Voilà, ils vont s'incliner et voilà maintenant, ils sont prosternés. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va faire la prière vite, au point où tu ne fais pas yani, la différence entre quand est-ce qu'il était incliné celui-là, quand est-ce qu'il s'est prosterné, subhanallah. Il y a certaines personnes, tu le vois rentrer par exemple à la mosquée, je donne un exemple, tu vois, il a dit Allahu Akbar. Ensuite, tu tournes à droite pour dire à quelqu'un, par exemple, Salam alaikum, ou la quelle heure est-il là. Tu te retournes encore une fois vers celui qui vient de commencer la prière, tu trouves qu'il a terminé. Subhanallah al-Azim. Où est-ce qu'il est? Tu le vois incliné. Où est-ce qu'il est? Tu le vois prosterné. Il n'y a pas. Ensuite, il a dit, Taram ruk'an sujadan, yabtaruna fadlan min Allahi wa ridwana. Pourquoi ils font ceci? Il a dit, recherchant d'Allah Azza wa Jal sa grâce et son agrément. Ils ne font pas cela à cause des gens. Ils ne font pas cela à cause d'eux, yani de l'ostentation, à cause d'eux, pour qu'on parle d'eux. Non, bien au contraire. S'ils pouvaient, ils n'auraient montré à personne leur salat. Mais Allah Ghalib s'est obligé pour l'homme de faire la prière à la mosquée. Sinon, il l'aurait fait tout seul, dans une chambre tout seul. C'est pourquoi la grande faveur et le grand mérite de celui qui fait la prière surérogatoire à la maison. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique qui dit que, en ce sens, il dit, comme la prière obligatoire, si tu la fais à la mosquée, tu as 27 rangs, la même chose si tu fais la prière surérogatoire nafila, si tu la fais à la maison, tu as 27 rangs aussi. C'est un hadith authentique. D'où le mérite de celui qui fait la prière de la nuit. Car la prière de la nuit, personne ne peut te voir. Ni tes amis, ni ta famille, ni... Hein, tu es seul et tout le monde dort. C'est le délil, c'est la grande preuve que ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Non, tu es seul, personne ne te voit. Peut-être ta femme qui dormait à tes côtés n'a pas su que tu es allé faire la prière. Non, peut-être qu'elle ne s'est pas réveillée du tout. Ou alors elle croit que peut-être tu es dans les toilettes, je ne sais pas où tu es. Et elle ne sait pas que tu es en train de faire la prière. Il a dit, Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Tel est, afwan. Il a dit, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Ici, beaucoup de gens se trompent et croient que, à force que ces gens-là, les Sahaba, à force qu'ils faisaient la prosternation, ils ont eu une tache, ils ont eu une trace, disons, sur le front. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent avoir cette trace sur le front. Comme quoi, yani, il fait beaucoup de prosternation. Or, ce n'est pas ce que Allah Ta'ala a voulu dire. C'est le sens apparent, mais ce n'est pas ça le sens que Allah Ta'ala a voulu nous montrer. Mais, Allah Ta'ala veut dire que les personnes qui font la prière, qui font la vraie prière, et qui la font avec khushu', qui la font avec toutes ces sunan, avec les ablutions parfaites, naam, le dhikr, ces gens-là, la prière va laisser une trace dans leur cœur. Lorsque tu vas les voir et voir le comportement, voir leur comportement, tu sauras naam, que leur salat les a marqués. Naam. Vous voyez par exemple les savants, vous n'avez pas remarqué que les savants, dès que tu le vois, tu vois son visage seulement, comment qu'il est ébloui. Masha'Allah, tu vois le khushu en lui, tu vois comment Allah Ta'ala lui a donné cette riba, subhanallah al-azim. Naam. Pourquoi? À cause de la salat, la vraie salat. Naam. Et ce n'est pas obligatoirement, comme j'ai dit, une trace comme ça sur le front. Naam. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Zalika mathalum fit Torah. Telle est leur image dans la Torah. Wa mathalum fil Injil. Quant à leur image dans l'évangile, c'est quoi? Kazar'in akhraja shat'ahu. Il a dit, quant à leur image dans l'évangile, c'est celle d'une semence. Une semence qui sort sa pousse. Fa'azarahu fastaghlada ala souqih. Une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. Pourquoi tout ça? À l'émerveillement des semeurs. Yu'jibu zurra' liyaghida bihum al-kuffar. Naam. Allah Azza wa Jal, par eux, remplit de dépit les mécréants. Remplit de dépit les mécréants. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, naam, il a interdit de porter atteinte à leur dignité. Quand il a déclaré, sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez aucun de mes compagnons. En fait, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent en or du mont de Uhud, il n'atteindrait jamais la valeur d'une poignée dépensée par l'un d'eux, ni même sa moitié. Rapporté par Bukhari Muslim. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, La'natullahi ala man sabba ashabi. Il a dit que quiconque insulterait ses compagnons, celui-là serait maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. La'anatullah, même il a dit, même les anges, la'anatullah ou le malaïka, ou la'anallah, quelque chose comme ça, hadith authentique, que quiconque insulterait un compagnon, il serait maudit par Allah ta'ala et par les anges. Et par les anges. Donc les devoirs de la communauté envers les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, sont très importants. Naam. Il faut retenir ce qui suit. Qu'est-ce qu'on doit envers eux? Premièrement, les aimer sincèrement en son fort intérieur et faire leur éloge par la parole en guise de reconnaissance et de gratitude pour leurs actions et efforts colossaux accomplis dans l'intérêt de la nation. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est les aimer sincèrement en son fort intérieur, en notre intérieur, et faire leurs éloges par la parole. Ce n'est pas comme les rafidites et les chiites, hein, qui, pour eux, le dîn, c'est quoi pour eux? Le vrai dîn, c'est d'abord insulter les compagnons. Et c'est d'abord dire que Omar ibn Khattab et Abu Bakr sont des kuffars, et que la plupart des sahaba ont apostasiés sont devenus kofar. Si tu n'es pas comme ça et tu dis pas comme ça, tu n'es pas un vrai musulman pour eux. Et ils ont, comme nous, on a le dhikr, les invocations du matin, le dhikr du matin, on doit dire des choses le matin et des choses le soir. Eux, le matin, ils doivent, entre autres, naam, ils doivent maudire Abu Bakr et Omar. Le matin et le soir, ils maudissent Abu Bakr et Omar et Aïcha. Naam, qu'Allah Ta'ala les maudisse. Deuxièmement, on doit invoquer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur leur âme. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Qu'il leur fasse la miséricorde. Et on implore le pardon d'Allah Azza wa Jal en leur faveur. Pourquoi? Pour agir en conformité avec l'enseignement contenu dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et ceux qui sont venus après eux qui? Après les compagnons. Et qui est venu après eux? Nous, on est venus après eux. Nous. Allah Ta'ala parle de nous. Il a dit, et ceux qui sont venus après eux, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? C'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on a? Il a dit, Yaqulun. Ils disent des choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana ghfir lana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères. C'est qui nos frères? Les compagnons. Ainsi qu'à nos frères, c'est d'abord les compagnons, ensuite les autres, bien sûr. Ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Naam. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et Allah ne met dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui nous, pour ceux qui ont cru. Naam, subhanallah al-azim, aucune rancœur. Alors que les rafidites, ce sont les gens qui ont le plus de rancœur envers qui? Envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ils ont de l'amour envers qui? De l'amour envers les juifs et envers les chrétiens. Naam. Mais ils détestent qui? Ils détestent les compagnons, radiyallahu ta'ala. Troisièmement, et troisième devoir, c'est quoi? On doit s'abstenir d'évoquer leurs erreurs. S'abstenir d'évoquer leurs erreurs. Naam. De les rappeler ou de mettre l'accent dessus, sur les erreurs. Sachant que ces erreurs sont toutefois minimes à comparer avec leurs vertus et mérites. S'ils ont fait des erreurs, qui ne fait pas des erreurs? Le messager d'Allah a dit Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des gens qui se trompent, sont des fauteurs. Et le meilleur des fauteurs, c'est celui qui se repent. Naam. Donc, eux-mêmes, s'ils ont des erreurs, leurs erreurs sont minimes quand on les compare avec leurs grandes vertus et leurs grands mérites. Elles pourraient même avoir été, les erreurs, elles pourraient avoir été le résultat d'un ijtihad, c'est-à-dire de l'élaboration d'une opinion personnelle pardonnable. Naam. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. Naam. Quant à l'insulte des compagnons, naam, il existe trois sortes d'insultes qui peuvent être adressées aux compagnons. Le premier type d'insulte, l'insulte qui taxe d'impiété la plupart d'entre eux ou bien certains d'entre eux. Naam. Soit on les taxe d'impiété ou de pervers. Ce genre d'insulte constitue un acte d'impiété. Quiconque, je dis bien, quiconque dit d'un compagnon qu'il est quoi? Qu'il est kafir, celui-là, c'est lui-même qui a commis un acte d'impiété. Pourquoi? Car il rejette les éloges que Allah Ta'ala et son messager ont fait sur eux, ainsi que l'agrément d'Allah Ta'ala qui leur a été manifesté. Plus encore, quiconque doute, si une personne doute de l'anathème du kofr de l'auteur d'une insulte, doit lui-même être frappé d'anathème. Ça, c'est le premier genre. Deuxième genre d'insulte, c'est les imprécations qu'on lance contre eux. Les ulémas se divisent selon deux avis quant à l'impiété de celui qui profère de telles insultes contre les compagnons. C'est-à-dire celui qui insulte les compagnons, pas au point de dire qu'ils sont pervers, ni qu'ils sont kofar, mais les insultes toujours dans le dîn. Je dis, même si on ne considère pas que celui qui dit ce genre d'insulte est devenu kafir, naam, cela n'empêche pas que celui-là, il est passible de flagellation et d'emprisonnement jusqu'à ce que mort s'en suive ou bien qu'il s'en rétracte. Et même si on prend de l'avis qui dit qu'il n'est pas kafir, celui qui les insulte, pas au point de dire qu'ils sont des kofars, mais même en disant cela, il est passible de quoi? De fouet ou bien d'emprisonnement jusqu'à ce qu'il meure ou bien qu'il fasse le repentir. Et enfin, troisième type d'insulte, c'est quoi? C'est le genre d'insulte qui ne porte pas atteinte à l'intégrité de leur foi ou bien religiosité. Comme si on disait d'un sahabi, on dit, par exemple, qu'il n'est pas courageux. On dit, il est un lâche. Ou bien on dit, c'est un avare. C'est un avare. Même ces insultes qui n'entraînent pas le statut d'impie, mais cependant, l'insulteur doit subir une peine correctionnelle propre à le dissuader de le faire. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité cet avis dans son livre As-Sarim al-Masloul, page 573, où il mentionne la citation de Ahmed ibn Hanbal, qui a dit, il a dit quoi? Il a dit, il est interdit à quiconque d'évoquer leur faute ou bien de porter atteinte à leur honneur en leur attribuant un vice ou un défaut. Et quiconque fait cette chose devra subir une correction ou bien mesure disciplinaire pour qu'il s'en repente. Sinon, il sera flagellé en détention jusqu'à ce que mort s'en suive, à moins qu'il s'en retracte. Naam. Voilà pour celui qui insulte un compagnon, radiallahu ta'ala anhu, ou bien une compagnonne, radiallahu ta'ala anha. Le prochain dars, inshallah ta'ala, sera notre devoir, ou bien nos devoirs, envers les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais m'arrêter ici, inshallah ta'ala. On va se rencontrer dans un quart d'heure, inshallah ta'ala, après avoir mangé. Je demande à l'admin de mettre du Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أحياكم الله lorsqu'un groupe de sœurs prie en groupe de 6 par exemple combien de sœurs doivent se mettre à droite de celle qui guide et combien doivent se mettre à sa gauche sachant que le nombre ne pourra pas être égal des deux côtés. Doit-il y avoir plus de sœurs à droite ou à gauche et y a-t-il une preuve à ce sujet? Jazakumullahu khairan, Sheikh. Donc je rectifie pour les questions, ça doit être ou la croyance, ou la prière, ou le minhaj. Voilà, c'est pas simplement la croyance. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ensuite... Je veux dire au frère Ta'amallah, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ensuite, en ce qui concerne, et j'espère que tout le monde va bien, inshallah ta'ala, en ce qui concerne la lecture des questions, naam, il faudrait que le son, inshallah ta'ala, soit à 5 sur 5. Pourquoi? Parce que le son est diffusé dans un autre salon, naam, et de là-bas, ils n'entendent pas si c'est 2 ou 3 seulement sur 5. Pour qu'il soit yani, bien. Naam. En ce qui concerne quand une femme naam, se met au milieu et guide, comme c'est dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Umm Waraqa, le hadith est dans le Bukhari, a demandé à Umm Waraqa de se mettre au milieu et de guider les sœurs et de guider les femmes. Naam. Donc elle se met au milieu, ensuite, naam, s'ils sont par exemple 6, elle mettra 3 à sa droite et 2 à sa gauche. Si une autre personne va arriver, elle va se mettre à sa gauche pour qu'il soit 3 et 3. Si une autre personne va arriver, la 7e ou la 8e, elle va se mettre à droite. Et celle qui va venir va se mettre à gauche. Et comme ça, c'est cité, il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. C'est cité dans le livre de Sharh al-Mumti' de Sheikh Ibn Uthaymin, quand il parle comment qu'on doit faire en général, comment qu'on doit faire les rangs. Et, bien sûr, ils vont se baser sur le hadith authentique qui dit que le messager d'Allah, alayhi salam, aimait la droite, tayamun, le fait, le côté droit, la chose droite, dans toutes les choses. Il a dit, dans toutes les choses. Naam. Mais il n'y a pas un hadith comme ça qui dit qu'il faut qu'il soit le nombre, tel nombre à droite, tel nombre à gauche. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Fadl, inshallah, le suivant. Muslima 3, inshallah, on passe à votre tour. Je vous ai retiré le raid. Vous pouvez poser votre question, inshallah. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous guérisse. Pouvez-vous nous expliquer le fait qu'Allah Ta'ala détient nos cœurs entre ses mains, qu'Allah met l'amour dans nos cœurs, car c'est pour moi. C'est quelque chose d'ambigu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, la question devait être posée dans l'inspeak. Non, c'est pour ça que on fera passer, inshallah ta'ala, deux personnes dans l'inspeak. Le fait qu'Allah ta'ala détienne tous les cœurs entre ses mains, entre ses beaux doigts, non, mais pas souci, Ibn al-Qayyim, entre ses beaux doigts, azza wa jal, cela est prouvé par un hadith authentique qui dit que بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs des créatures sont entre deux doigts, des doigts entre deux doigts, entre deux des doigts du Rahman, Allah Azza wa Jal, et il les renverse comme il veut, comme il veut. Ce verset, plutôt ce hadith, doit être expliqué à la lumière d'autres versets. Par exemple, il y a un verset où Allah Ta'ala dit: In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Si Allah Ta'ala sait du bien dans vos cœurs, il va donner du bien. Et le verset où Allah Ta'ala dit j'ai oublié ce verset. Allah Ta'ala dit, yani, je dis son sens, c'est tout. Non, je me rappelle maintenant le verset. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Allah Ta'ala dit dans un verset que s'il connaît que telle et telle personne, certaines personnes, yani, veulent du bien, veulent par exemple cet islam, etc., il va leur faire entendre, yani, ses paroles. Donc il va les guider. Donc Allah Ta'ala, le fait qu'il détienne les cœurs, tous les cœurs entre les mains, cela ne veut pas dire que c'est, astaghfirullah, yani, comme c'est de la loterie. Yani, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que celui-là qui était pieux, Allah Ta'ala va le renverser, il va devenir kafir. Celui qui est kafir, il va devenir pieux, et c'est, yani, comme ça, le hasard. Mais tout marche avec la sagesse d'Allah Azza wa Jal, la science d'Allah Azza wa Jal. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et il, yani, il fait, naam, et comment qu'il fait l'amour dans les cœurs et la colère, c'est naam, l'amour, la colère, ces choses-là, ce sont des choses que nous, on ne voit pas, ce sont des choses qu'on ressent. Ça, on ne sait pas, ce sont des choses qu'on ressent. Mais ces choses qu'on ressent, nous, d'où elles viennent? Elles ont été créées. Et qui les a créées? C'est Allah Ta'ala qui les a créées. Comme par exemple la mort. La mort, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est une chose qui est créée. La preuve, la mort elle-même, elle viendra le jour de la résurrection sous forme d'un mouton. Et Allah Ta'ala va ordonner qu'on l'égorge. Allah Ta'ala, ces choses qu'on ne voit pas, il peut les faire venir sous forme de mouton, sous forme d'oiseau, comme il veut. Donc ces choses qui, comme l'amour qui le fait descendre, par exemple dans le mariage, ou là, qui le fait descendre envers nos pères, envers, ce sont des choses que yani, Allah Ta'ala a créé, qui les voit, qui, ce sont des choses, yani, qui pour nous, ce sont des choses invisibles. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses créées, et c'est comme des mesures. Il donne par exemple 20 degrés d'amour à celui-là 30, celui-là 15, et comme ça. Ce sont des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas comprendre comme ça, mais dont on devrait croire. Donc, tout croyant devrait croire en des choses, même s'il ne les comprend pas. C'est comme à peu près notre âme. Notre âme, est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un peut la décrire? Est-ce que quelqu'un... Et pourtant, on croit qu'en notre corps, il y a quelque chose qui s'appelle l'âme, elle est à l'intérieur, et un jour elle va sortir, et elle va nous quitter, et ensuite elle va revenir, et ce sont des choses pareilles dont on doit croire, hein? Et sans oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, que ces choses-là sont créées par Allah Ta'ala, et c'est lui qui les place dans nos cœurs, en fonction de sa sagesse et de sa science. Wallahu azza wa jal a'lam. On passe inshallah ta'ala à l'inspeak. Alhamdulillah, Muslim à toi a dit que vous m'avez éclairé. Alhamdulillah, je suis content quand je sens que quelqu'un a compris. Assalamu alaikum, Cheikh. Nous lisons souvent que les compagnons hypocrisie. Était-ce la grande ou la petite hypocrisie? Pourriez-vous m'expliquer en détail? Barakallahu fikum. Moi, J'ai entendu des coupes dans la question, c'est pour ça que je vais la lire, inshallah ta'ala. Salamu alaykoum, cher. Nous lisons souvent que les sahaba avaient peur de l'hypocrisie. Est-ce la grande ou la petite hypocrisie? Pourriez-vous m'expliquer en détail? Barakallahu fikum. Naam, les sahaba radiallahu ta'ala anhum avaient peur de l'hypocrisie, des deux hypocrisies, quoique la grande hypocrisie était loin d'eux, vraiment loin. C'est pour ça que ils avaient surtout peur de la petite. Ils avaient surtout peur de la petite. Pourquoi? Parce que tous les sahabas, comme vous savez, Naam, si vous connaissez ceux qui se sont apostasiés ou là, qui sont rentrés dans le coffre, ils sont minimes, minimes, minimes par rapport à qui? Par rapport à yani, la grande masse et le grand nombre des sahabas, radiallahu ta'ala anhum. Mais il y a comme un athar, si je puis dire, où il est dit quoi? Il est dit que, en l'époque des Sahaba, yani, il faisait des petites choses comme ça, des petits péchés comme ça, et pour eux, ils croyaient que c'était, yani, ils venaient de faire des montagnes de péchés. Et chez nous, on fait des montagnes de péchés, et on croit que c'est comme si, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, c'est comme si une mouche s'est posée sur notre nez ou là sur notre front, et on la chasse comme ça, en faisant d'un coup de main comme ça. Et ce n'est pas important. C'est pour ça que je veux dire. Je veux dire que ce qui nous intéresse, nous, ce qu'on prend, yani, de ce que veut dire ici celui qui a questionné, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que plus une personne a de la foi, Inch'Allah ta'ala, plus elle a peur d'Allah, et plus elle sent quoi? Que même si elle fait un petit péché, elle sent que c'est un grand péché. Alors que plus ça commence à faiblir, plus la foi commence à faiblir, plus la personne va faire des grands péchés et elle va ne rien ressentir. Ou alors sentir comme la mouche qui vient se poser sur le nez, on la chasse. Ça, c'est une balance, c'est un mizan. C'est une balance. Il faut apprendre cela, mon frère, ma soeur. Sache que si, lorsque tu fais un petit péché, tu as peur et tu dors pas la nuit, et tu te parles tout le temps et tu veux y aller faire des invocations, implorer Allah, donner des choses en aumône, sache que ta foi est vraiment bien. Et si par contre tu fais des péchés, et même des grands péchés, et ça te dit rien, et tu ressens rien, sache que ton cœur, n'am, ou bien il est mort, ou bien il est très malade, ou bien il est mort, demande Allah Azzawajal de le ressusciter de nouveau, ou bien il est très malade. Alors dans ce cas, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider pour le soigner. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, et vous m'excusez si je dois pas tarder pour les questions-réponses, yani, je tarde pas pour les réponses plutôt, naam, pour que ça prenne pas beaucoup de temps, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Fadlan. Al-Istiqama, c'est à votre tour, Inch'Allah. Sinon, en attendant, Inch'Allah, je vais dire la. Ah, ben c'est bon, Alhamdoulilah. Assalamu alaikum, cher. Ahiyakum Allah. Une sœur se fait elle-même depuis un temps des ruqya, mais elles ne sont pas constantes, alors que son mal ne se défait toujours pas. La question, comment doit-elle s'y prendre pour se sortir de cette longue épreuve? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais dire à toutes les personnes qui ont un djinn, ou là qui ont la sorcellerie, ou là qui ont le mauvais œil, et qui en même temps font la ruqya, et n'ont pas encore eu de réponse, ou là de résultat, qu'elles ne devraient pas quoi? Qu'elles ne devraient pas abdiquer. Ne pas dire, ça n'a pas marché, khlas, j'arrête. Car, premièrement, qu'elles sachent, ces personnes, qu'elles sont dans un djihad, un vrai combat. Contre qui? Contre l'ennemi d'Allah Azzawajal, Iblis. Iblis, qui l'a possédé, ou bien qui a ramené la sorcellerie, ou bien qui a été la cause du mauvais œil. El Mohim. Deuxièmement, qu'elle sache que, même au temps du messager d'Allah, une femme est venue lui dire que elle était possédée, qu'elle tombait, etc. Il lui a dit, alayhi sallam, est-ce que tu veux avoir le Jannah et patienter, ou bien tu veux y guérir? Elle a préféré patienter et avoir le paradis. Alors que patienter, ça veut dire que elle allait vivre comme ça, je ne sais pas combien d'années. Non. C'est pour ça que, moi, personnellement, je connais des gens, surtout des sœurs, qui ont le djinn ou la sorcellerie depuis des années et des années. Et qui, elles ont fait tout leur possible pour l'enlever, et ne sont pas encore arrivées. Des fois, tellement la sorcellerie est forte, elle est faite de la manière que la font les juifs, en se servant de la main du mort pour, yani, faire comme ça avec la main du mort, on fait le couscous, etc. On le fait manger à la personne. Et des fois même, les djinns, les shayatins, ils viennent même quand on est en train de dormir. Ils sont envoyés par des sorciers et des sorcières qui sont en train de dormir. Et tout seul, si tu as remarqué, c'est pas ça vous arrive. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas si ça vous arrive. De temps en temps que tu sens que ta bouche s'est ouverte comme ça, il y a quelque chose qui veut passer à l'intérieur. Comme ça, c'est comme si on te jetait quelque chose dans ta bouche. Tu dois vite, yani, cracher et commencer à lire le Coran, etc. Pour que, c'est quoi ça? C'est un djinn que on vient te l'envoyer pour que il t'ensorcelle même en dormant. Subhanallah, même en dormant. Surtout, les gens qui, par exemple, comme moi, qui a fait beaucoup la ruqya aux gens. Pendant 15 ou 20 ans, je ne sais pas combien, en train de faire la ruqya aux gens. Ensuite, les shayatin hadou, leurs enfants, etc., ils vont pas te laisser tranquille. Ils vont essayer de faire le possible pour te faire du mal, ou bien à toi, ou bien à tes enfants, ou bien à ta femme, ou bien s'ils ne peuvent pas la nuit quand tu dors, comme je disais. Donc je dis à cette personne que, à chaque fois qu'elle peut, naam, et elle tombe dans une personne pieuse, etc., elle lui fait la ruqya, premièrement. Deuxièmement, elle ne doit pas compter seulement sur la ruqya. Les savants ont dit que l'une des meilleures façons d'éloigner le djinn et la sorcellerie, etc., c'est aussi d'apprendre la aqida. Naam, ils ont dit, le fait d'apprendre la aqida, ça joue un grand rôle. Le cœur se purifie, il devient lumière. Alors, il va chasser de lui-même ce qu'il y a à l'intérieur. Naam, quand le cœur, là, il devient pur, il devient lumineux, il devient comme un nour, tout ce qu'il y a à l'intérieur va se sauver. S'il y a un iblis, s'il y a la sorcellerie, ça va s'en aller, bi'idhn azza wa jal. Sans oublier les invocations, du'a, l'ad'iya, ou dhikr. Il ne faut pas s'arrêter de cela, jour et nuit, matin et soir, et enfin de se dire que on est, yani, tout cela, comme a dit le messager d'Allah, il a dit, hatta shouka, il a dit, l'épine qui te rentre dans ton pied ou là, tu auras, bi'idhnillah azza wa jal, tu auras des récompenses. Qu'en est-il pour la personne qui a mal, qui est ensorcelée, qui tombe, qui ceci, cela? C'est Allah azza wa jal qui a voulu te donner ses récompenses et ses faveurs qu'il ne donne pas à d'autres. Naam. Wallah azza wa jal alam, que Allah ta'ala nous guérisse tous et toutes. Fadla le suivant. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve et vous élève en degré. Je voulais vous annoncer la naissance de ma fille, Joëlia, née le 31 mars. Elle est actuellement à l'hôpital car elle est née prématurément. Je voulais vous demander, ainsi qu'aux frères et sœurs, de ne pas l'oublier dans vos invocations, ainsi que les musulmans malades. Donc, la question. Beaucoup de gens utilisent des expressions comme « je mettrai ma main à couper » ou bien « ma parole ». Quel est le jugement de ce genre de parole? Est-ce du petit shirk? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne me semble pas, wallahu ta'ala a'lam, que ça ait un rapport avec le shirk. Car ça rentre dans le défi. Ça rentre dans le défi. C'est comme s'il disait, si je mens, et si tu trouves que je t'ai menti, alors je suis prêt parce que je te donne ma main pour que tu me la coupes. Ou bien, si tu trouves que ce que je dis n'est pas vrai, je suis prêt à te donner ma main pour que tu la mettes dans le feu. Cheikh al-Islam lui-même, alayhi rahmatullah ibn Taymiyyah, lançait des défis aux soufis pour leur dire, si vous êtes vraiment des hommes et que vous prétendez que vous êtes véridiques, alors allumons un feu et jetons-nous à l'intérieur pour voir si vous êtes véridique, lequel d'entre nous va se brûler? Donc ce sont des sortes de défis. C'est comme ça que je comprends la chose. Wallahu ta'ala a'lam. Hafsa, c'est à votre tour. Je vous ai retiré le raid. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous m'expliquer, lors du cours, vous avez dit par exemple, on ne doit pas dire les défauts d'un compagnon, donc c'est un péché. Si on dit que Abu Sofyan est avare, comme il est dit dans le hadith qui est rapporté. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous accorde la guérison, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs. La question de Om Hafsa est vraiment bien et elle est pertinente. Car j'ai dit que on ne devait pas dire d'eux, citer leurs défauts, comme dire que quelqu'un, par exemple, est avare. Alors que, elle a dit ici, le messager de Allah, en parlant d'Abu Sofiane, a dit qu'il était avare. Alors comment qu'on fait? La réponse, elle est très simple, Naam. On ne cite que le défaut qui a été cité par Allah ou son messager. On ne cite du compagnon que le défaut qui a été cité par Allah ou bien qui? Par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah ne fait pas ce genre de péché, ne fait pas la médisance. En disant de Abu Sufyan, c'était quelqu'un de misik. Misik, ça veut dire qui ne donne pas son argent facilement. Naam, il n'a pas fait de péché, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'était une... D'ailleurs, le fait même que le messager d'Allah ait dit sur Abu Sufyan que c'est quelqu'un d'avare, il faut le comprendre que c'était une naseha. Une naseha. Quand quelqu'un vient te dire, je vais me marier avec tel homme, et que toi, tu connais bien cet homme, alors il est de ton devoir. Sinon, tu as des péchés, si tu ne lui dis pas quels sont ses grands défauts. Non, tu vas pas dire, c'est de la médisance, je vais pas lui dire qu'il boit de l'alcool. C'est de la médisance, je vais pas lui dire qu'il frappe, que c'est quelqu'un qui frappe sa femme. Au contraire, si tu sais qu'il est comme ça, tu lui dis. Tu lui dis, comme a dit le messager d'Allah sur Abu Jahl. Il a dit, c'est quelqu'un qui a le bâton sur son cou. Il n'arrête pas de frapper sa femme. Tu dis, toi, à qui? Tu dis à celui qui est venu te demander conseil, que je te conseille pas cet homme. Car j'ai connu sa première femme, elle était presque tout le temps battue. Et elle venait chez moi et yani, elle se plaignait. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Tafadhal inshallah le suivant. Normalement, c'est Ain Speak, Inch'Allah. Cher, juste pour apporter une précision, enfin une précision, c'est une question. C'est pas la femme de Abu Sofyan, radiallahu anhu, Hind, qui a demandé au prophète si elle pouvait lui prendre de l'argent parce qu'il lui donnait pas le nécessaire pour nourrir sa famille et elle avait dit qu'il était avare. Allahu a'lam. Enfin, il me semble qu'il était avare. Naam, justement, on est en train de parler d'elle. Naam, on est en train de parler d'elle. On est en train de parler de Hind, qui est venu dire au messager d'Allah que, yani, est-ce qu'elle pouvait prendre l'argent de son mari parce qu'il était avare. Naam. Tafadhal le suivant. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la signification de l'invocation Ô Seigneur, prie et salue notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhi wa sallam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. On va parler d'abord de Sallim, après de Salli. Sallim, ça peut avoir les deux sens. Ou bien le Sallim, qu'on connaît nous tous, la salutation. Ou bien Sallim, mais c'est surtout sur le deuxième sens que c'est l'avis de beaucoup de savants. Sallim, c'est-à-dire épargne-le de tout mal. C'est comme lorsque tu dis à quelqu'un Salam alaikum. Ça veut dire, yani, sois en sécurité. Tu ne seras atteint d'aucun mal de ma part. Allah Ta'ala, qu'il épargne son prophète sallallahu alayhi wa sallam et éloigne de lui tout mal. Quant à la prière, quand on dit à Allah, fais la prière sur lui, prie sur lui, Ça veut dire, Ya Allah, invoque-le. Invoque-le, cite-le avec ses belles, toutes ses belles, avec les belles éloges devant tout le monde, bien devant le monde des anges, comme ça, devant les gens, cités, Allah Ta'ala, quand il fait les éloges de quelqu'un, devant ses anges et devant ses créatures, on va dire, il a fait quoi? Il a fait la salat sur cette personne. Il a prié sur cette personne. Non. Si c'est pas compris, je réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl. Abou Abdel Samed, 62, c'est à votre tour, Inch'Allah, je vous ai retiré leur aide. Mouahidine, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah, en attendant que Abou Abdel Samed, 62, se prépare. Donc, je vous ai retiré le point rouge. Vous pouvez poser votre question. Assalamu alaikum, ahyakum Allah, bismillah, cher. Que faire lorsqu'une personne trouve la sorcellerie dans les chaussures? Doit-elle les jeter ou les brûler? Et la sorcellerie, doit-on la brûler ou d'abord la mettre dans de l'eau coranisée? Jazakum Allah khairan à tous. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il n'y a pas sur cela quelque chose du messager d'Allah d'authentique qui montre qu'est-ce qu'on doit faire. Le messager d'Allah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a trouvé la sorcellerie dans le puits, on lui a fait la sorcellerie, il a ordonné, comme vous savez, qu'on démolisse le puits. On démolisse le puits sur cette sorcellerie. Certains savants ont dit que on prend cette sorcellerie et on la met dans de l'eau sur laquelle on aura lu, par exemple, un peu de Coran, on la fait rentrer à l'intérieur. Naam. Et ce qui est important dans la sorcellerie, c'est que avant de la toucher, toujours on doit dire bismillah, on doit faire les doigts aussi avant de la toucher. Et c'est après de l'avoir mise, par exemple, dans de l'eau ou après l'avoir lu dessus, on doit, si on peut, la déchiqueter ou quelque chose comme ça. Naam. Car ce sont des choses, par exemple, qu'on a attachées l'une à l'autre pour qu'elles fassent leur effet. Maintenant, on va nous les séparer. On va les séparer, par exemple, avant de les jeter ou avant de les enterrer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Si c'est quelque chose qui se brûle, on peut brûler. Naam. Si c'est quelque chose qu'on brûle, surtout si ça contient des versets, etc., il vaut mieux brûler. Si ça contient des versets, etc. Naam. Comme on peut jeter aussi dans la mer. À cause de l'écriture, elle va aller avec de l'eau. Avec de l'eau, l'écriture va partir. Ce n'est pas parce que la mer a des mérites. Non. Ce n'est pas parce que l'eau de mer a des mérites. Et les chaussures, on les jette? Non, les chaussures, on peut les jeter, on peut les déchirer. On peut les déchirer et les jeter, c'est mieux. Plutôt que les jeter, ensuite d'autres personnes vont les mettre. Peut-être que cette sorcellerie, peut-être qu'elle va aller aussi à l'autre personne. Il vaut mieux les déchirer, par exemple avec des ciseaux, et les jeter, Inch'Allah Ta'ala. Non, Allahu Azza wa Jalla alam. Tfadl, wa fik. Salam alaikum, cher. Nous vivons dans une ville où il y a un local qui est prêté par la mairie et dans laquelle nous prions. À cause de querelles entre certains responsables, il y a des gens qui se sont séparés de la communauté et ont acheté un local à crédit et l'ont soldé en 3 mois. A-t-on le droit ou pas de prier dans cette mosquée achetée en partie avec riba? Cette question ne concerne pas le minhaj, la croyance ou la prière, mais c'est important pour la communauté de notre ville. Barakallahu fikoum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse. Si tu peux, barakallahu, celui qui a lu la question, si c'est toi, Ibn al-Qayyim, si tu peux, barakallahu fikoum, lis seulement la dernière phrase. La dernière phrase, c'est ça la question. Lis seulement la question. Fadlan. A-t-on le droit ou pas de prier dans une mosquée achetée? J'ai pas bien entendu. Si c'est ça, écris-moi en numéro 1. As-tu dit, attends le droit de prier? Est-ce que tu as dit prier? Écris-moi en numéro 1 si c'est ça. Alhamdulillah. Tayyib, donc une mosquée construite ou la musalla construit avec l'argent de la riba, etc. Al-Muhim, ce qui est étonnant dans cette question, c'est que la personne, elle a dit, ce n'est une question ni dans la aqida, ni dans le minhaj, ni dans la salat. Alors qu'elle dit, est-ce qu'on peut prier dans une mosquée? Or, moi, je vois, c'est une question qui a rapport avec la salat. Et la salat en groupe, gars. Salat en groupe. Al-Muhim, l'avis le plus juste des savants, c'est que ça ne nous intéresse pas, si je puis dire, de savoir avec quel argent a été construite la mosquée. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, a dit, si un kafir, te donner son argent pour construire une mosquée, prend cet argent, construit la mosquée et fait profiter les musulmans. Il a dit, le kafir qui a eu cet argent, je ne sais pas où, du bar ou du dancing ou là, il va te dire, tiens, pour construire une mosquée, il a dit, prends l'argent et construis la mosquée. Je peux vous donner même où se trouve yani, la page où il a dit ça. À condition, il a cité une condition. Il a dit, à condition que ce kafir ne soit pas du genre qui yani, fait le rappel. C'est-à-dire à chaque fois, il va vous dire, vous les musulmans, si c'était pas moi, vous n'aurez jamais fait la prière. Il a dit, si c'est le genre, on ne prend pas son argent. Si c'est un kafir, un simple kafir, qui veut faire le bien, prend son argent, construit la mosquée, fait profiter les musulmans. Pas plus tard qu'il y a peut-être 3 heures, j'entendais à la télévision quelqu'un qui fait partie des grands savants, on lui a posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'argent qui vient des intérêts. Il a dit, on la donne à toute personne nécessiteuse à condition que ça ne soit pas nous qui s'en servons, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants. Il a dit, tu la donnes à qui, chaque personne qui en a besoin, et tu la donnes aussi pour construire des mosquées. Oui, mais il y a déjà une mosquée à peine à 100 mètres. Moi, je ne suis pas en train de parler de cela. Non, je suis en train de répondre, est-ce que cet argent, on le prend pour construire une mosquée, il est licite, permis de construire la mosquée ou pas? Maintenant, est-ce qu'on peut construire une mosquée proche à une autre de 100 mètres, ça c'est autre chose. Je ne suis pas en train de parler de cela, ça c'est une autre question. Ça, même avec de l'argent halal, qui n'est pas de riba, et ça devient toute une autre question. Donc je demande moi à Abou Abdesmad, de quoi es-tu en train de parler, et dans ce cas, pourquoi tu parlais de riba? Fadval, j'attends ta question. Et pour ne pas perdre de temps, je préfère que ce soit même, que ce soit moi-même qui réponde. Naam, alhamdoulilah. Je parle de la communauté, de la division de la communauté, etc. Naam. En ce qui concerne la riba, j'ai déjà répondu. En ce qui concerne la riba, il n'y a aucun problème. Reste, donc la question sera, est-ce qu'on peut construire une mosquée devant une autre mosquée, naam, proche d'elle? On va dire, cela dépend de... Qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée? Qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée avant que l'on construise l'autre? Si la mosquée fait son rôle, il y a des douros, il y a le minhaj, il y a tout ce qu'on veut, dans ce cas, on n'a pas le droit de construire une autre mosquée proche d'elle, pour ne pas diviser les musulmans. Mais si la mosquée ne fait aucun rôle, interdit des douros, fait des douros qui sont loin de la sunna, des doros qui vont à l'encontre du minhaj. Dans ce cas, cette mosquée, naam, ne sert à rien. Naam, c'est tout juste pour faire la prière. Et la mosquée, on ne la construit pas seulement pour faire la prière, mais surtout pour apprendre aux gens la aqida, pour apprendre aux gens yani, comment connaître Allah et comment aimer Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça qu'on va voir d'abord, naam, on va voir d'abord qu'est-ce qu'il y a dans cette mosquée. Naam. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tfadlan. Inch'Allah, donc c'est à Abu Lokman, 3. Dès que vous lui retirez leur aide, il pourra poser sa question, inshallah. Assalamu alaikum, shir, ahiyakum Allah. Pouvez-vous m'expliquer le fait que l'on se de Al-Hafiz ibn Hajar al-Haskalani, rahimahullah ta'ala, alors que l'on sait qu'il y a des erreurs dans sa croyance? Jazakum Allah khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La question, je n'ai pas entendu en entier, c'est pour ça que je la répète. Pouvez-vous m'expliquer le fait que l'on consulte les livres comme ceux de Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, alors que l'on sait qu'il a des erreurs dans sa croyance? Réponse. Allah ta'ala a voulu qu'aucun livre ne soit exempt d'erreurs et de fautes, sauf son livre, le Coran. Vous comprenez? Aucun livre n'est exempt de fautes et d'erreurs, sauf son livre, le livre d'Allah Azzawajal, le Coran. C'est ça le grand défi. C'est pour ça que, si on parlait par exemple de Fath al-Bari, de Ibn Hajar al-Asqalani, on va dire, il a des fautes au niveau de la Aqida. Parce que il avait ce qu'on appelle quelques ash'ariyettes. C'est-à-dire que de temps en temps, il donnait un autre sens au verset des attributs, etc. Mais les savants ont dit, ce livre, hormis les fautes qu'il y a, hein, aucun livre au monde ne peut l'égaler dans le fait qu'il ait expliqué les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari. Aucun livre au monde jusqu'à présent n'a pu l'égaler, encore moins n'a pu le dépasser. Je dis, n'a pu l'égaler, et encore moins n'a pu le dépasser dans le fait d'expliquer quoi? D'expliquer les versets, les hadiths qui se trouvent dans Sahih al-Bukhari. Donc les savants qui ont de la science savent où il s'est trompé, et ils s'éloignent de ce qui est trompé, et ils prennent où il ne s'est pas trompé. C'est pour ça que par exemple, l'Allama Ibn Baz, rahimahullah, avant de mourir, a essayé, dans ce livre, de quoi? Il a essayé de corriger les fautes où Ibn Hajj s'est trompé. Il y a même d'autres élèves très connus qui ont écrit de petits livres comme ça, où ils montrent les fautes de Ibn Hajr dans la Aqida, dans ce fameux livre Fath al-Bari. Et comme ça, regardez le Muhalla. Le Muhalla a été écrit par qui? Par Ibn Hazm. Est-ce que donc Ibn Hazm il est qui dans la Aqida? C'est un Jahmi. A'udhu billah. Et est-ce que donc on va pas lire le Muhalla? On va pas lire l'autre livre, le Mujalla? Et on va pas lire l'Ahkam? Ihkam al-Ahkam fil usul. On va pas lire le Mil al-Nihal. Et comme ça de Ibn Hazm. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lit en évitant les fautes. Et en montrant aux gens les fautes. C'est tout. Non. Allah Azza wa Jalla. Surtout pourquoi? Jazakallah. Surtout pourquoi il y a Abu Luqman? Parce que lui, ou bien Nawawi al rahmatullah, en leur temps, quand ils se sont trompés, ils ne savaient pas qu'ils se sont trompés. Il n'y a pas quelqu'un qui était de leur niveau et par exemple leur a fait des défis, des polémiques, etc. Et il leur a montré leurs fautes et ils ont continué. Non, c'est pas comme ça. Pour eux, c'était tout ce qu'ils pouvaient savoir. Ce n'est pas comme dans de nos jours. Tu dis à quelqu'un, par exemple, telle et telle chose est fausse. Il faut t'éloigner d'elle. Il te dit non. Moi, je m'en fous. L'essentiel X, qui est un savant, a parlé de ça, donc moi je le suis. Ça, hein, c'est une grande différence entre ça et ce qu'ils ont fait eux, rahimahumullah ou jami'an. Fadda le suivant. Donc, j'ai la question de Mouatman en PV. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La mort et l'ange de la mort sont-elles deux choses différentes? Pouvez-vous nous expliquer? Qu'Allah vous récompense. Amin. Est-ce qu'il y a une différence entre la mort et l'ange de la mort? Naam, c'est très clair, bi'idhna azzawajal. La mort, c'est yani le fait qu'on meurt. Et l'ange de la mort, c'est un ange spécialement créé pour faire cette chose, pour venir et prendre les âmes, ou plutôt, c'est pas pour les prendre, mais plutôt pour les faire sortir, pour faire sortir les âmes du corps. Ensuite, il y a d'autres anges, ce sont, si je puis dire, comme par exemple un médecin qui a les infirmiers. Ensuite, il y a les autres anges qui prennent cette âme, idhnallah ta'ala. Donc, je répète, la mort, c'est une chose, c'est le fait de mourir. Et l'ange de la mort, c'est celui qui fait sortir l'âme du corps. Personne ne meurt avant que l'ange de la mort ne fasse sortir l'âme. Naam. Et comme a dit Allah Ta'ala, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dit, vous fait mourir l'ange de la mort, que Allah Ta'ala a envoyé spécialement pour cette mission. Tfadla le suivant. J'ai la question de ouais, inshallah, je vais la lire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Cher, une sœur demande, elle a trouvé dans le lit de ses parents des choses comme un peigne avec des cheveux, une feuille écrite bizarrement. Elle a montré à son mari et son mari a tout brûlé sans que les parents de la sœur sachent. Est-ce que son mari a bien fait de tout brûler? Voilà la question. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam. Quant au fait de tout brûler, au fait de brûler, quand c'est des choses, la sorcellerie, etc., qui contient du Coran et du Hadith, par exemple, c'est bien de brûler. Comme Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, a brûlé le Coran, naam, pour ne laisser que ce qui correspondait avec la lettre de Quraysh. Et comme Ka'b ibn Malik, naam, quand la fitna lui est arrivée, il était dans le marché au souk et le roi d'un certain pays lui a envoyé une lettre où il disait que yani, viens chez nous, il va rien te manquer, Allah Ta'ala ne va pas te laisser, etc. Il y avait du dhikr à l'intérieur, le mot Allah, il y avait des choses pareilles. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brûlé cette feuille où il y avait mentionné le mot Allah à l'intérieur. Non. Mais je veux dire que des fois, quand ils font la sorcellerie, certaines sorcelleries qui ont rapport avec les djinns, où on envoie des djinns, etc., faut dire que des fois, quand on brûle, ça plaît aux djinns. Surtout s'il y a l'encens, on l'appelle brûle, s'il y a le brûle, etc., ça va donner une odeur qui va faire plaisir aux djinns. D'ailleurs, des fois, la sorcière, ou là, le sorcier, quand il t'écrit des choses, etc., et il te les mélange avec des feuilles, etc., il te dit, par exemple, essaye de les brûler. Ah, essaye de les brûler, et pour que tu sentes l'odeur qui commence à monter de ces papiers, etc. El Mohim, c'est pour cela, quand c'est du Coran, etc., on brûle. Quand c'est d'autres choses, ce n'est pas la peine de brûler. On sépare les choses d'elles-mêmes. La feuille, on la sépare. Les cheveux, on les sépare du cheveu, pardon, du peigne. Et comme ça, ensuite, on les quoi? Si c'est des choses qui se déchirent, on les déchire. Si c'est des choses qu'on peut yani, mettre sous la terre, enterrer, on les enterre. Même on les éloigne pour que ça ne touche pas d'autres gens. On les a séparés, elles n'ont plus d'influence, car elles ne sont plus collées l'une à l'autre. Ensuite quoi? Ensuite, on essaie de les enterrer ou de les jeter dans la mer ou yani, dans un endroit où elles ne seront plus. Yani, elle ne peut plus toucher une autre personne. Wallahu ta'ala alam. Tfadla le suivant, je crois que c'est l'inspect. Donc c'est à Ketama 12. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Que penser d'une parole d'un cheikh qui dit que les femmes sont capables de diriger, voire même de diriger mieux que certains dirigeants arabes? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. La femme, il est possible qu'elle soit très intelligente. Et il y a beaucoup de femmes qui sont plus intelligente que certains hommes. D'ailleurs, même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: beaucoup d'hommes sont devenus parfaits. Et ne sont devenus parfaites des femmes que trois femmes. Il a cité Khadija, il a cité Maryam, et avant cela, il a cité Asya, la femme de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit d'elles? Elles sont devenues parfaites. Donc, elles sont parfaites, yani, donc elles sont mieux que les autres hommes qui ne sont pas parfaits. Car le hadith a dit, beaucoup d'hommes sont parfaits, ça veut dire que certains ne le sont pas. Et il a dit, trois femmes sont parfaites. Donc, ces trois femmes sont mieux et plus parfaites que les autres hommes qui ne sont pas parfaits. J'espère que vous avez compris. Mais, quoique, et même si la femme est la plus parfaite du monde, cela ne veut pas dire qu'elle peut diriger. Naam. Et quand on dit qu'elle ne peut pas diriger, ça veut dire qu'elle ne peut pas diriger les hommes. C'est tout. Mais si on la met dans un endroit où elle dirige les femmes, c'est permis. Je donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, donnait à un établissement scolaire une femme pour qu'elle soit la directrice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a dans cet établissement que les filles qui vont à l'école. Ce serait bien, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit c'est bien. Où on donne à une femme, que ce soit elle qui dirige les femmes. C'est mieux que de faire amener un homme qui va être le directeur des femmes. Elles vont avoir des assises avec lui, elles doivent lui rendre des comptes, elles doivent ceci. Mais si elles sont avec une femme, c'est mieux. Donc ce qui est interdit, c'est qu'elles dirigent les hommes et qu'elles dirigent dans un haut endroit, comme la présidence, comme la royauté, et comme ça. Et non pas, par exemple, qu'elles dirigent un lycée, ou bien elles dirigent une usine de femmes, ou bien elles dirigent chez elles. Tout cela, c'est permis bi'idhnihi ta'ala. Naam. Sinon, comme j'ai dit, c'est impossible qu'elle puisse diriger, naam, car elle est beaucoup faible par rapport à l'homme, naam, et elle oublie beaucoup, et elle a beaucoup de problèmes avec sa santé, avec les enfants, avec l'allaitement, avec naam, et ça n'en finit pas. Tafadhal, inshallah, le suivant. Shuraib, c'est à votre tour. Inch'Allah, je vous ai retiré le raid. Salam alaikum Shir. Vous avez parlé sur le fait d'insulter les compagnons d'après un hadith que vous avez cité. Allah les maudit. Qu'en est-il des gens qui critiquent les gouverneurs, voire même les insultent et les réprimandent? Pire encore, ceux qui insultent les grands savants en disant qu'ils ont plus peur du gouverneur que d'Allah et qui disent qu'aucun pays de nos jours applique la charia. Barakallahu fikum wa ahsan Allah alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ne peut dire une chose pareille que quelqu'un qui est connu, qui s'appelle un takfiri, un khariji, hein? Celui peut dire une chose pareille. Comme a dit quelqu'un au messager d'Allah, il lui a dit tu es injuste. Tous ceux qui parlent sur les savants, hein, et disent qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas de science, et qu'ils ceci, cela, les critiquent, surtout ouvertement, naam, ce sont des takfiri ou des khariji. Si un savant ne te plaît pas, écris-lui, naam, écris-lui en privé. Envoie-lui une lettre. Envoie-lui avec quelqu'un qui va partir, par exemple, au Hajj. Envoie-lui, dis-lui, va chez tel savant, donne-lui cette lettre. Il va la lire, c'est sûr. À l'intérieur, tu lui fais des nasihas. Tu lui dis, Taqillah, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas cela. Non. Quant à ceux qui insultent ou la réprimandent, bon, je ne parle pas ici des grands savants, ceux qui parlent de qui? On n'a pas cité les gouverneurs. Non, ceux qui critiquent les gouverneurs, non, ou bien ce sont, comme j'ai dit aussi, des takfiri, des khawarij, qui ne savent pas, qui le font, yani, sciemment, ou bien ce sont des gens ignorants qui ne sont pas dans le minhaj et qui croient que yani, ce sont des choses qui se font, ils ne savent pas. Ce sont des juhel, ils s'assoient comme ça dans le café, hein, ils prennent une cigarette et ils commencent à critiquer. Celui-là, il nous a volé, celui-là nous a pris ceci, il nous a pris cela, et il est en train d'exhorter les gens à quoi? À ce qu'ils se rebellent contre le gouvernant, alors qu'il ne sait pas. C'est un ignorant. Sinon, s'il sait que ça se fait pas et qu'il le fait, celui-là, il a le minhaj des takfiriyin et des khawarij. Pourquoi? Parce que le khuruj, le fait de se rebeller, ce n'est pas seulement prendre une épée et vouloir tuer le gouverneur. Non. C'est aussi exhorter les gens à ce qu'ils se rebellent, même si toi, tu ne te rebelles pas. D'ailleurs, c'est une secte des khawarij qui s'appelle Qaïdiyya. Ce sont des gens qui s'assoient et qui ne sortent pas. Ils restent sur les chaises, ils restent dans leur pays, en train, dans les pays de coffre, en train de ramasser de l'argent, en train de profiter de la vie là-bas, la belle vie là-bas. Et ils poussent les jeunes, et certains, ils poussent les gens qui n'ont pas de science, ils les exhortent, soit dans les cafés comme ça, soit dans des assises, soit dans les journaux, hein. Tous les gens, et aussi les journalistes qui insultent les gouvernants dans les journaux, etc., et les critiquent ouvertement, sont des gens. Quoi? Qui sont ou bien ignorants, ou bien ils ont le minhaj des kharijites et des tkfiriyin. Et ils ne savent pas, même s'ils ne savent pas. Non. Quand quelqu'un veut critiquer le gouvernant, il fait comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Men arada an yansaha li dhi sultan, la yubdihi alaniya. Walakin li yakhlu bihi wa li yakhud bi yadihi. Fa'in sami'a fima ma'na, fa'in sami'a fa bi'a ni'mat, وإلا فقد أديت الذي عليك حديث أوثنتيك. Quand tu as envie de critiquer un gouverneur, tu vas chez lui, tu le critiques. Ou bien tu lui envoies une lettre. Et ce n'est pas, tu montes sur le minbar, ou bien tu vas dans les cafés, ou bien tu écris dans les journaux. Tout cela, c'est quoi? C'est les kharijites et les takfiriyons qui font cela. Naam, tfadl inshallah, suivant. Amin, posez votre question, Inch'Allah, le temps que Ortfilda 13 termine de rédiger sa question, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Ma question concerne la Hijra. Cela fait 4 ans que nous sommes dans le Minhaj et nous avons 4 enfants. Voilà, nous voulons faire Hijra en Algérie car cela devient assez urgent. Surtout pour les enfants, ma fille est en âge de porter le voile et mon fils ne peut pas aller à la Jumu'ah le vendredi. Mon mari me propose de vivre dans la maison de son père en petite Kabylie pour à peu près 6 mois, 1 an, Inch'Allah, et ensuite louer plus tard en ville. Mais ma crainte, c'est que dans son village natal, je serai vraiment pas entouré de sœurs, pas de cours, d'arabe, ni de Coran, ni de croyances, pour remonter ma foi. Bien sûr, j'entends l'Éden, d'un côté je veux aussi partir, car pour mes enfants, c'est très difficile, la religion en France. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Jazakumullah khairan. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, il faut dire que, yani, sauver les enfants est plus important que toi-même, ma soeur. Toi, c'est important pour toi, mais toi, alhamdoulilah, au moins tu as, yani, naam, au moins tu as yani des bases, tu as la foi, tu as, mais eux ils sont yani, ils sont jeunes, ils ne savent rien et ils risquent d'être orientés vraiment dans le mauvais chemin. Ensuite, quand l'arbre durcit, c'est vraiment difficile de le redresser. Tout le monde sait que quand ils sont jeunes comme ça, mashallah, yani, ils sont comme la pâte à modeler. Mais bientôt ils vont rentrer à l'école ou là au lycée ou là. Ce sera très difficile ensuite de les redresser. Et Tanyan, ils vont même pas accepter la hijra. Tellement, peut-être qu'ils vont faire la connaissance des filles, des garçons, de ceci, de cela. À la France, il y a tout, etc. Mais tant qu'ils sont jeunes, et ils ne savent pas encore bien, ils peuvent pas encore bien comparer, hein, c'est là qu'on doit les sauver et partir avec eux. Ensuite, quant au fait de dire, yani, 6 mois ou là, 6 mois ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas, ce n'est, 6 mois ce n'est pas beaucoup. Allah Ta'ala est avec toi, Allah Ta'ala sait que tu as fait la hijra. Il n'y a pas de sœur, il n'y a pas ceci, c'est pas très important les premiers 6 mois. Il y a le Coran qui est avec toi, il y a le Sahih Bukhari qui est avec toi, il y a Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est avec toi, il ne va pas te laisser. Ensuite, yani, même si tu vas, après les 6 mois, tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de sœur ou là, Allah subhanahu wa ta'ala fera quoi? Fera des causes pour qu'il y ait des connaissances et pour qu'il y ait des sœurs et pour qu'il y ait des visites et pour... Ensuite, une chose très importante que à laquelle je voudrais faire une petite remarque, c'est que les personnes qui doivent faire la hijra, elles doivent faire le maximum, naam, avec leur mari pour essayer d'avoir internet à la maison, ici en Algérie. Naam. C'est très important de nos jours d'avoir l'internet à la maison pour pouvoir suivre les cours, pour savoir ce qui se passe et pour être en relation avec les autres sœurs. Pour être en relation avec les autres sœurs, c'est très très important d'avoir l'internet. C'est pour ça que je conseille que cette sœur voit beaucoup plus à l'avenir de ses enfants qu'à son avenir. Son avenir, inshallah ta'ala, yani, il a été tracé, bidna azzawajal. Maintenant, la foi, des fois elle monte, des fois elle descend. On va faire tout son possible, yani, pour la faire remonter, inshallah ta'ala. Mais les enfants, s'ils grandissent là-bas, c'est très difficile de les faire venir, de les emmener dans un autre pays, dans un pays musulman. Parce que là-bas, ils ont tout, ils ont tous les loisirs, et la vie est très facile, et ils vont s'y habituer. Naam. D'ailleurs, moi, je connais un ami qui est parti là-bas avec sa famille, etc. Naam. La fois passée, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, alors, comment, Yannick, tu ne penses pas revenir, etc. Yannick, il m'a dit, je vais revenir, inchallah. Je lui ai dit, mais je suis sûr que les enfants ne vont pas accepter. Il m'a dit, je vais les emmener ici en vacances et je vais déchirer leur passeport. Yannick, tellement c'est difficile. Il va déchirer leur passeport. Et je ne sais pas s'il a oublié, mais s'ils déchirent leur passeport, ils peuvent aller à l'ambassade ici de la France, puisqu'ils sont français, elle leur donne un nouveau passeport et elles partent là-bas. Surtout que maintenant, ces filles viennent d'avoir le bac en France et elles vont entrer à la fac là-bas. Qui va les ramener ici en Algérie? C'est presque impossible. Astaghfirullah. Mais s'ils n'étaient pas partis ou là, s'il les a ramenés comme ça, jeunes, jeunes, à 12 ans, 10 ans, 11 ans, 8 ans, etc., il peut les commander. Mais maintenant, à 18 ans, la fille, elle a eu son bac, elle va rentrer à la fac, etc. Pour qu'elle vienne là, il faut vraiment qu'elle ait de la foi. Il faut vraiment que ça soit une vraie sœur sur le minhaj pour qu'elle accepte de venir. Sinon, elle te dit, c'est pas possible, je vais laisser la France, moi. Non. طيب on passe inshallah ta'ala au suivant. Salam alaikum, cher. Pour revenir à la possession, une sœur qui est possédée fait de violentes crises de temps en temps. Lors de ces crises, elle crie, pleure, etc. Quand on évoque Allah et son châtiment, elle éclate de rire. Elle pense que son comportement vient d'elle et non du djinn. Est-ce que cela est possible que cela vient d'elle? Salam rahmatullah wa barakatuh. Si ça vient d'elle, cela veut dire qu'elle a la maladie qu'on appelle la schizophrénie, c'est-à-dire le dédoublement de quoi? De la personnalité, si cela vient d'elle. Mais cela m'étonnerait qu'une personne ait un problème sans qu'elle subisse un choc, sans rien, que tout d'un coup elle devienne comme ça. C'est pour ça que, pour savoir si ça vient d'elle ou bien pas d'elle, il faut deux choses. La première, savoir s'il s'est passé des choses, des chocs, s'il y a eu des chocs dans ces derniers temps de sa vie, comme la perte de sa mère, comme ça, devant elle, ou son fils qui est tombé du 10e étage devant elle, et comme ça. S'il n'y a pas ça, et la deuxième des choses, pardon, c'est quoi? C'est de faire la ruqya. C'est seule la ruqya qui peut montrer est-ce que cette personne elle dit elle est possédée, c'est sûr. Si elle est possédée, khlas, le problème est terminé. Si elle est possédée, non, c'est que le problème est terminé, c'est que elle doit faire tout son possible pour yani, faire partir ce djinn. Elle doit faire tout son possible pour faire partir ce djinn. Mais je vous ai dit que ce n'est pas facile de faire sortir tous les djinns comme ça facilement. Cela dépend des djinns, cela dépend des personnes qui sont possédées, et cela dépend de celui qui fait la ruqya. Il y a trois choses. Cela dépend du djinn, si c'est quelqu'un qui a peur, etc. Et cela dépend de la personne qui est possédée. Est-ce une personne qui a le tawakkul en Allah, qui a la aqida, qui a pour s'aider à faire sortir le djinn, et cela dépend de celui qui fait la ruqya. C'est quelqu'un de sur le minhaj, sur la aqida, qui est quelqu'un de pieux et comme ça. Elle dit, elle peut pas faire la ruqya, elle n'a pas de mahram. Elle ne peut pas faire la ruqya. Pourquoi elle fait pas la ruqya chez une femme? Pourquoi elle fait pas la ruqya chez une femme? Ensuite, si elle fait la ruqya, si elle fait la ruqya, même son mahram, mais pas en tête à tête avec lui, pas en tête à tête avec l'homme, hein? Il n'y a pas de sûr qu'il la font. Non. Si elle l'a fait avec un homme, mais pas en tête à tête avec lui, ce n'est pas interdit. Quand c'est dans la daroura, c'est un peu comme le médecin. Le médecin, quand il n'y a pas de médecin femme, qu'est-ce qu'on fait? On va pas chez le médecin, on va chez un homme, et on va pas en tête à tête avec lui. On va pas en tête à tête avec lui, mais on sera deux ou trois femmes par exemple avec lui. Comme ça, il n'y a pas ce qu'on appelle la khalwa. Il n'y a pas ce qu'on appelle la khalwa. Car le mahram, c'est pour le voyage. Le mahram, c'est pour le voyage. Et ici, elle est dans la daroura. Naam. Pourquoi de préférence il faut le mahram? Parce que s'ils sont en tête à tête, ça devient grave. Surtout que peut-être il va poser sa main sur sa tête pour lui lire ou là. Et tout cela est interdit pour l'homme. Il n'a pas le droit, quand il fait la ruqya, de poser la main sur sa tête, ou sur son bras, ou sur n'importe quelle partie de son corps. Malgré cela, car lui-même ne veut pas trop faire cette ruqya. Et si l'imam ne veut pas faire cette ruqya, qu'elle voie ailleurs. Qu'elle voie ailleurs où elle peut faire la ruqya, bi'idhnillahi ta'ala. Même si elle trouve une sœur qui lui fait la ruqya, même si c'est assez loin. Si c'est assez loin et qu'elle n'a pas de mahram, par exemple pour aller de, je sais pas, de Marseille à Lyon par exemple, si elle n'a pas de mahram et qu'elle voit qu'elle est vraiment dans la daroura et qu'elle a trouvé une sœur qui lui fait dans une autre ville, elle peut partir car elle doit se comporter comme une malade. Une malade qui est dans une maladie grave et qui va faire yani, un petit voyage pour des soins. Pour des soins, bi'idhnillah ta'ala. Car c'est mieux qu'elle se soigne chez une sœur, inshallah ta'ala. Naam. Et si elle fait une annonce, elle doit trouver. Si elle fait une annonce, elle trouve, bi'idhnillah ta'ala, une sœur qui fait la ruqya, bi'idhnillah ta'ala. Elle se fait du mal, elle se frappe, etc. Non, parce que c'est pas elle qui fait cela. Ce n'est pas elle qui fait cela. C'est le djinn qui la possède, ou l'iyadu billah. Non. De toute façon, elle doit, inshallah ta'ala, beaucoup revenir vers Allah ta'ala, faire des doigts pour que Allah ta'ala la protège, faire beaucoup d'invocations, de dhikr, et d'essayer de voir comment faire la ruqya, bi'idhnillah ta'ala. Non. Et s'il y a une personne qui sait bien faire la ruqya, et qui veut, qui yani, voudrait aller vers cette sœur pour lui faire la ruqya, cette personne aura, inshallah ta'ala, beaucoup de ajr, bi'idhnillah ta'ala. Elle dit, peut-elle se marier? Naam, elle peut se marier si le mari sait. C'est-à-dire, elle dit au prétendant, voilà, je suis malade, je suis possédée, et je veux me marier. Je voudrais même un mari qui m'aiderait à faire la ruqya. Ce serait très bien même. D'un côté, elle se marie, et de l'autre, quoi? Et de l'autre, il va l'aider, inshallah ta'ala, à faire la ruqya. Non. Elle était déjà mariée. Non, elle peut se marier, inshallah ta'ala, à condition qu'elle dise au prétendant de quoi ça retourne. Tfadla ibn al-Qayyim, inshallah ta'ala. Elle a été divorcée à cause de cela. Non. C'est pour ça que j'ai dit, elle doit dire au nouveau prétendant de quoi ça retourne. Elle lui dit, moi je connais une sœur, je connais une sœur possédée, non, je connais une sœur possédée qui a divorcé 6 fois. Elle n'a que 22 ans. Elle n'a que 22 ans, elle est jeune, 22 ans. Divorcée 6 fois. Subhanallah l'adhim. Subhanallah. تفضل إن شاء الله لو سويفون. Donc, c'est la question d'un frère, Inch'Allah, en anonyme. Attendez, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Shir. Voilà, je me suis marié il y a 6 mois, Mash'Allah. Mais le soir même où je suis arrivé chez moi avec ma femme, il y a quelque chose qui m'a interpellé. En fait, Shir, elle est très forte physiquement et moi, je suis très mince. Le jour où on a fait la moukabara, elle avait le jilbab et il y avait une table entre nous deux. Donc je n'ai rien vu et là je suis gêné à tel point où quand je rentre chez moi, je n'arrive pas à la prendre dans mes bras, où on peut pas rester dans la même pièce, se parler pendant un certain temps. Et elle voit qu'il y a un malaise entre nous deux. Chir, barakallahu fikoum pour votre réponse. Pouvez-vous m'éclaircir? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je vous avais dit et toujours dit que le mariage, ce n'était pas une chose qui se faisait comme ça du jour au lendemain. Naam, mais qui, yani on devait bien chercher, bien voir, yani jusqu'à ce qu'on ait le cœur apaisé pour Inch'Allah ta'ala, quoi, pour yani se lancer dans le projet. Al-Muhim, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que la sœur ne t'a pas caché. Si maintenant elle s'est assise de façon à ce que tu ne vois rien d'elle ou tu ne vois pas qu'elle est grosse, dans ce cas, Nam, c'est une ruse qui te, c'est une ruse, elle a fait une ruse, et dans ce cas, ça te permettrait, si tu veux, Yannick, d'annuler. Nam, si tu veux, car ce serait une ruse pour que tu la vois pas bien. Mais si la sœur, c'était pas ça, elle avait pas ça dans son cœur, ni son intention, mais c'est venu comme ça. Donc la faute reviendrait à toi pour ne pas avoir essayé de bien voir. Pour ne pas avoir essayé de bien voir. Ensuite, autre chose, si maintenant elle est grosse, ou là elle n'est pas comme tu veux, ou là elle se porte bien comme il dit l'autre, là, tu pourrais lui faire un petit conseil de lui dire de faire ce qu'on appelle le régime. Là, de lui dire de faire le régime. Et elle, sentant que son mari ne voudrait pas qu'elle soit ainsi de corps, elle ferait des efforts, Inch'Allah ta'ala, pour que elle te plaise physiquement. Naam. Et je ne pense pas que ça soit une chose, yani, qui soit, yani, grave à ce point. Naam. Si elle est mince, elle va, Inch'Allah ta'ala, manger jusqu'à ce qu'elle grossisse. Si elle est grosse, elle va jeûner jusqu'à ce qu'elle devienne mince. Naam. C'est comme ça, Inch'Allah ta'ala. Et peut-être c'est lui qui va prendre des cures. Naam. Inch'Allah ta'ala, on ne fait pas ta'ala des soucis, parce que si elle était grosse au point où yani, on la montre du doigt dans la rue, et dans ce cas, yani, on t'aurait caché, tu vas dire d'accord. Mais si elle est grosse, yani, d'ailleurs, toutes les femmes, quand elles se marient, elles deviennent grosses, la plupart. Hein, quand elles se marient, elles sont minces, et elles commencent à grossir avec quoi? Avec le fait de tomber enceinte et le fait qu'elle soit chez elle, elle se sent bien, etc. Et comme ça. Non. Inch'Allah ta'ala, l'essentiel, c'est quoi? C'est que vous vous compreniez et que vous vous asseyez autour d'un livre et que vous écoutiez des cours et que vous parliez de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et encore, mets dans ta tête que, non, laisse les choses aller comme ça une année et tu vois, Inch'Allah ta'ala. Tu vois, Inch'Allah. Peut-être que Allah ta'ala va faire changer les choses et Inch'Allah ta'ala va faire d'elle bi'idhnillah ta'ala la taille d'un mannequin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tayyib, je vais vous laisser Inch'Allah ta'ala pour vous rencontrer mercredi Inch'Allah ta'ala à 20h chez nous, c'est-à-dire à 21h chez vous. D'ici ce temps-là, je vous dis à mercredi Inch'Allah ta'ala, dumtum fi ri'ayatillah subhanahu wa azzawajal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته